8 A. 1. Pardon, madame, comment vous vous appelez ? Dulac, Isabelle Dulac. 2. Vous avez un numéro de téléphone ? Oui, bien sûr. Pouvez-vous me le donner ? Oui, c'est le 03 43 56 23 16. Merci. 3. Vous avez un portable, monsieur Delot ? Oui, c'est le 06 78 45 84 59. 4. Comment est-ce que je peux vous contacter ? Vous avez une adresse électronique ? Ah oui, elle est très facile. pierre44@rondpoint.rp